Activité 7, page 103. Piste 82. A. Ce pantalon est moche. B. Ce manteau est ridicule. C. Ce pull est très élégant. D. Ce jean, c'est vraiment sympa.